18. Blocage américain et faille des brevets. Lu par ASPAC. Blocage américain et faille des brevets. Le succès brésilien n'est pas exportable car il impose la présence sur le territoire d'une industrie pharmaceutique capable de produire des médicaments. Or, la majorité des pays les plus touchés par l'épidémie de sida n'en disposent pas. Dans cette situation, la licence obligatoire, par essence limitée aux pays qui l'édictent, n'est d'aucune utilité et l'importation de copies en provenance des pays tiers reste alors la seule voie possible. Au moment de la déclaration de Doha, les États membres de l'OMC avaient bien conscience de cet écueil, mais ils avaient laissé à une négociation ultérieure le soin de régler ce point pourtant essentiel. Pendant 2 ans, les États-Unis, poussés par les laboratoires, feront obstacle à un arrangement et refuseront de signer un accord autorisant l'import-export de copies à bas prix en cas de nécessité sanitaire. Tous les prétextes seront invoqués. Crainte de voir des copies destinées à des pays pauvres revenir en contrebande dans les pays riches, risque de laisser des pays en développement dotés d'une industrie pharmaceutique dupliquer des molécules de confort comme le Viagra, inquiétude de perdre le marché des riches vivant dans les pays pauvres. À force d'entêtement, l'industrie pharmaceutique a fini par démontrer l'inverse de ce qu'elle prônait. La preuve est en fait que ce n'étaient pas les médicaments de demain que les labos défendaient, mais bien leur marché d'aujourd'hui. En août 2003, à quelques jours du début du sommet de l'OMC à Cancun, au Mexique, les États-Unis ont dû enfin accepter un mécanisme de licence obligatoire internationale permettant aux pays ne disposant pas de capacité de production pharmaceutique d'importer des copies de molécules en provenance de pays tiers à prix bradé. L'accord pré-Cancun aurait-il mis fin à une situation moralement intenable? Bien sûr que non. Cette affaire n'a pas seulement révélé l'arrogance de laboratoires accrochés à leur part de marché, elle a mis en exergue la quasi-banqueroute d'une production de nouveaux traitements qui repose trop sur la propriété intellectuelle et sur les marchés des pays riches. En quelques mois, tous les défauts du système sont apparus, effritant le dogme du brevet nécessaire à l'invention de nouveaux médicaments. Désormais, on sait que ce slogan repose sur une série de mensonges. Tout d'abord, il est faux de prétendre que les brevets appliqués aux médicaments auraient fait leur preuve dans les pays riches. Cet argument simpliste omet un détail essentiel. Le système tel qu'il est appliqué dans les pays développés repose sur le brevet, mais un brevet amputé de l'un de ses attributs principaux, la fixation du prix de l'invention par son inventeur lui-même. Qui décide du prix des molécules en France? L'État, acheteur unique des traitements remboursés par la Sécurité sociale. Comme dans la majeure partie des pays riches. C'est le seul moyen de rendre moralement soutenable le colossal pouvoir de marché que donne le brevet. S'il ne choque personne que la firme titulaire d'un brevet de machine industrielle décide de le vendre à un prix exorbitant, il n'en est pas de même dans le domaine de la santé. Ainsi, dans la plupart des pays où le brevet sur les médicaments est reconnu, il a été couplé avec un système de sécurité sociale assurant la quasi-gratuité de l'accès au traitement et un mécanisme de fixation des prix par l'État pour éviter l'explosion des budgets de santé. Très peu de pays développés laissent aux firmes pharmaceutiques la liberté d'établir leurs tarifs. C'est le cas des États-Unis, avec des résultats sans ambiguïté. Les médicaments y sont vendus plus de 2 fois plus chers qu'en France, et les citoyens doivent se débrouiller avec des assurances privées, qui choisissent ou non de rembourser certains traitements en fonction de la demande, mais aussi des conditions tarifaires qu'elles peuvent obtenir du producteur. Pire, le filet social fédéral estimé aux 40 millions de personnes âgées et aux handicapés, le programme Medicare, a pendant des décennies exclu le remboursement des médicaments. Cette situation impensable en Europe n'a été corrigée qu'en décembre 2003, avec la mise en œuvre par George Bush d'une réforme destinée à corriger cette faille dans le système de santé américain. Une décision d'ailleurs partielle, car les premiers $250 restent aux frais du patient, est prise à la suite d'une polémique de plusieurs mois sur le prix élevé des traitements aux États-Unis, où l'on aura vu des quarts de personnes âgées franchir la frontière avec le Canada, où les tarifs sont contrôlés, pour aller faire le plein de médicaments à des coûts raisonnables. Si cette affaire de brevet tronqué et de prix fixé par l'État est fondamentale lorsque l'on raisonne sur l'application des droits de propriété intellectuelle au secteur pharmaceutique, c'est que ce point essentiel n'est jamais évoqué par les promoteurs d'une extension de ces mécanismes à la planète entière. Bien au contraire, l'industrie pharmaceutique et les États-Unis n'ont de cesse de pilonner les États contrôlant les coûts des molécules, et ils se font les héros d'un dispositif réellement fondé sur les brevets, incluant la possibilité de libéraliser les prix, au risque de rendre impossible l'accès de tous au traitement. Les débats sur l'accès aux soins dans les pays du Sud, qui ont émergé à l'occasion des négociations devant l'OMC, ne doivent donc pas masquer une autre revendication récurrente des tenants d'une propriété intellectuelle sans cesse durcie, celle qui transformerait les faux brevets des pays pratiquant le contrôle de prix en véritables brevets, libérant le pouvoir de monopole des industries pharmaceutiques, et réduirait à néant toute forme de sécurité sociale. Le deuxième mensonge est celui du coût. Les dépenses considérables en recherche et développement justifieraient l'existence de brevets garantissant le retour sur investissement. À cette logique, les industriels ajoutent un paramètre pour justifier leur incessante demande de protection supplémentaire. Les coûts de recherche et développement s'envolent depuis plusieurs années, conséquence de la complexité scientifique croissante du domaine. En 1975, il fallait en moyenne 138 millions de dollars pour mettre sur le marché un nouveau traitement. En 2000, 802 millions, soit une augmentation de près de 500%. Mais que valent ces chiffres impressionnants bien utiles au lobbying forcené des labos? Rien, car ils émanent d'une source unique, le Center for Study of Drug Development, un organisme affilié à l'université de Tufts aux États-Unis, dont les études dépendent des chiffres donnés par les groupes pharmaceutiques eux-mêmes. De plus, ces résultats sont gonflés artificiellement, car ils incluent les bénéfices financiers qu'auraient réalisés les groupes s'ils avaient placé leur argent ailleurs que dans la recherche de nouveaux médicaments. Cette subtilité est rarement rendue publique, les labos ayant peu d'intérêt à minimiser leurs dépenses, pas plus qu'ils ne prennent en compte les multiples exemptions fiscales dont ils bénéficient de la part des États, ou encore les nombreux apports de la recherche publique. Le plus choquant reste qu'on ne dispose d'aucun chiffre fiable en ce domaine. À l'OMC, au Congrès américain ou au ministère de la Santé à Paris, ce sont les données fournies par l'industrie qui servent de référence. C'est pourtant la clé de toute politique de santé publique. Sans évaluation honnête des dépenses en recherche et développement, il est impossible de déterminer si un prix est abusif ou légitime, s'il faut ou non durcir le régime de protection dont bénéficient les médicaments. C'est pourtant à l'aune de statistiques douteuses que les groupes et les États négocient l'allongement de la propriété intellectuelle sur les nouvelles molécules et l'extension du système au niveau mondial. Troisième mensonge, les brevets seraient l'unique levier pour faire progresser la recherche en matière de nouveaux médicaments. Mais de quels médicaments s'agit-il? En confiant à des entreprises privées le soin de développer de nouvelles molécules, les États abandonnent au marché des pans entiers de leur politique de santé publique. Les multinationales ne sont pas des mécènes. Pour qu'un programme de recherche trouve grâce à leurs yeux, il faut que celui-ci soit rentable. Nul cynisme là-dedans. Juste business as usual. Le graal de l'industrie, ce sont les blockbusters, ces molécules à haut rendement financier qui assurent plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. Que l'on pense au Viagra ou aux statines, ces molécules destinées à faire baisser le taux de cholestérol lié à une alimentation trop riche. Les fléaux touchant les pays les plus pauvres n'apparaissent pas sur le radar des laboratoires, pas assez lucratifs. Entre 1975 et 1999, sur 1400 nouveaux médicaments commercialisés, seuls 13 concernaient les maladies tropicales infectieuses, qui sont pourtant toujours la principale cause de mortalité et de morbidité dans le Sud, rappelle l'économiste de la santé Jean-Paul Moati. Ce principe essentiel de l'industrie pharmaceutique, où la rentabilité se substitue à la santé publique, s'applique aussi à la manière dont les laboratoires appliquent leur politique tarifaire. Sur le papier, rien ne leur interdit de pratiquer des prix très différents entre un Nord solvable et un Sud impécunieux. Le tollé qui a suivi le procès de Pretoria les a d'ailleurs conduits à s'engager dans cette voie depuis 2002. Cette démarche paraît rationnelle. Si les pays pauvres ne peuvent s'offrir les médicaments, autant les leur fournir à un prix très bas, et gagner ainsi peu d'argent, plutôt que de se priver d'un marché même ridicule en comparaison de ceux des pays riches. Mais ce raisonnement se heurte à une équation économique bien plus cynique. Les labos préfèrent vendre des médicaments plus chers à une population limitée mais solvable que fournir l'ensemble de la population à un prix très bas. De leur point de vue, mieux vaut vendre 10 000 pilules à 100 dollars pièce que 10 fois plus à 1 dollar l'unité. Et tant pis si la différence est énorme en termes de santé publique. Les firmes privilégient plutôt une stratégie alternative, dite de segmentation du marché, qui consiste à ne s'intéresser qu'à la fraction de la demande, très minoritaire dans les pays en développement, qui demeure peu sensible au prix, confirme Jean-Paul Moati. Les labos ne s'en cachent pas. En pleine polémique sur l'accès aux traitements pour les pays du Sud, le porte-parole du syndicat mondial de l'industrie pharmaceutique, Harvey Ball, justifiait les obstacles qu'il ne cessait d'ériger à la mise à disposition de médicaments à bas prix dans les pays en développement, en soulignant qu'en Afrique du Sud, au Brésil ou en Inde, il existe, une part importante de la population qui est solvable, en mesure de payer des prix relativement élevés pour les médicaments. L'industrie renvoie alors la responsabilité de l'injustice sur les gouvernements, notamment du Sud, incapables d'offrir à leur population une sécurité sociale digne de ce nom. L'argument est juste, mais l'hypocrisie des États du Nord, incapables de brider les effets dévastateurs d'un brevet tout-puissant dans un domaine aussi sensible que la santé, est tout aussi honteux. Dans les pays riches, la politique du médicament orientée vers le marché produit aussi son lot d'absurdités. Les laboratoires préfèrent concentrer leurs efforts sur les molécules les plus prometteuses financièrement, quitte à délaisser les traitements les plus innovants. Quand les pilules destinées à faire baisser le taux de cholestérol représentent un marché de plusieurs milliards de dollars au niveau mondial, mieux vaut sortir sa propre version que de prendre le risque d'investir sur des molécules correspondant à des besoins non encore satisfaits. C'est le phénomène MeToo, moi aussi, qui voit se multiplier les clones du Viagra dans les officines. Entre 1982 et 1991, 53% des médicaments approuvés par la Food and Drug Agency, FDA, américaine, offraient peu ou pas de gains thérapeutiques. Entre 1996 et 2001, au moment même où les dépenses de recherche et développement grimpaient de 40%, le nombre de nouvelles molécules déclinait de 50%. Et sur les 31 blockbusters lancés entre 1992 et 2001, 23 étaient des MeToo. Pour le professeur de neurologie Peter Lansbury, la question se pose. Avons-nous réellement besoin de 5 versions indifférenciées du Viagra quand elles détournent des ressources qui pourraient être utilisées pour développer des médicaments innovants soignant des maladies mortelles? La réponse est évidemment négative et au passage, ces chiffres démontrent à quel point le mécanisme des brevets, censé récompenser l'innovation et la nouveauté, est désormais perverti. Il est clair aujourd'hui que le système des brevets appliqué aux médicaments est dans l'impasse. L'obstination des États et des laboratoires à le mondialiser sans l'amender risque de devenir l'un des scandales les plus meurtriers du XXIe siècle. Il serait pathétique de croire qu'il suffit d'accorder des brevets à tout va pour que les multinationales et leurs actionnaires se préoccupent de développer les médicaments répondant aux besoins de santé des populations. Les brevets ont permis de mobiliser des milliards de dollars de fonds privés pour développer de nouveaux médicaments. Mais c'est justement parce que les sommes en jeu sont considérables qu'il est impératif de contrôler ce monopole exorbitant confié à des entreprises privées.